câble, bien évidemment, câble pour le son, pour les oreillettes, câble pour les micros, câble de transmission d'infos. Vous n'hésitez pas à l'envoyer à Sportaz. Mais c'est très bizarre, depuis que vous êtes arrivé en Autriche, les meurtres se multiplient. C'est pas nous. Non, non, jamais mis les pieds en Autriche, monsieur. Et on autriche pas, nous. Non, même pas la politique. Surtout pas là-bas, d'ailleurs, où ça s'extrémisme. Ça ira, ça suffira. Oula. Ouais, t'as tellement voulu en mettre que je mais, comprends. Mais c'est vrai. Borest Karlov. Ah, ouais. Pas mal, hein. Borest Karlov, ce sera une mêlée au bénéfice de qui, s'il te plaît, Jean-Louis de Mignonne et donc Toulon. Du rouge et du noir, hein, beaucoup. Hein, on se croirait au Stade Toulousain qui gagna hier. Oui, qui gagna pas tout à fait comme il l'eût voulu gagner, Jacques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire d'ailleurs. Okay. Sur ce match que je n'ai pas vu. Il y a Mignoni qui a fait la sortie, qui a fait perdre. Voilà, le bon coup de pied, mais c'est trop dans les 22 mètres. Il peut marquer voler, voilà, stop, il peut arrêter l'action, ça c'est pas ça. Bon. Eh oui, ça pas bon. Contre. Ça joue vite. Jacques a peur. Jacques a eu peur. Et c'est un bon dégagement de la part des Irlandais qui ramènent le jeu dans le camp. Dans le camp toulonnais, après une demi-heure de jeu. Mais Toulon mène 16-6 et Toulon est bien installé dans cette confrontation. 30 minutes de jeu, 7 secondes, 8 secondes, 9 secondes, 10 secondes, 11 secondes, 12 secondes. Oui, on écoute derrière, s'il vous plaît. Oh là là. Pizzo, merde. Merci les amis d'avoir essayé d'égayer ce petit moment calme hein, de la confrontation. C'est un time lift. Jean-Louis, du changement, visiblement du changement va s'opérer du côté toulonnais déjà, mais qui sortirait donc? On va faire entrer le pack de bière apparemment, il est costaud celui-là. Si vous pouvez passer par ici. Allez. Le ballon est là, le ballon est un toulonnais, Toulon maintenant qui part de l'Arsenal, avec hier sur Yvette maintenant, qui transmet derrière Bagnouls. Pour l'OM, alors... c'est ce soir, tout à l'heure, si tout va bien. Ouais. C'est pas fait, c'est pas gagné encore. Oh, on verra non. Si vous êtes plus de 5 ou 6 là à nous écouter pour ce match cet après-midi. Alors peut-être ferons-nous l'effort. Faites le savoir hein, si vous voulez que ce soir nous soyons le soir du grand soir, du petit soir, du mini soir. Ah oui, soir. On peut pas tout le temps faire tout le temps là sans que vous soyez là non plus. Non. Un petit peu. Si vous savez, il y a le nombre de matchs qu'on a fait, vous étiez pas présent. On est déçu par vous. On fait des statistiques décevantes, effectivement. Attention à ce match. Enfin, non, finalement, c'est rien du tout, ça. Non, ça, c'est juste tandis l'image. Que vous le voyez, Albi à la balle. Albi à la balle, maintenant, il sort magnifiquement. Et c'est finalement La Rochelle qui va récupérer le ballon par la touche. Bijou. En famille. Et il y a eu ce changement. Qui sort? Ouh là là, déjà. Alors, il rentre. Il va se faire opérer quelque chose ou un... Jockey. Non, c'est rien. Je vais suivre, merci. Avouez que notre collaboration se montre vraiment très efficace. Oui, mais excusez-moi, mais on m'attend hier, là. J'avais combien de contrats à signer? Écoutez, laissez-moi tranquille. Hein. Aujourd'hui, j'enclenche et j'engrange. Ah ouais. Ouh là là, oui, va, lui. Très demandé. L'Irlandais fuyant, devrais-je dire. Effectivement, hein. Comment on dirait ça en anglais, là? Fuir, c'est pas facile. Et Irish, ok, d'accord. To go away. Ouais. Le go away Irishman. Tu as compris l'affaire? Ireland again. Le Munster à la balle. Si vous préférez, Province aussi. Non? Yes, Province. Et si vous voulez, Sprice, si on va par là. On retrouvera tout ça, bien évidemment, sur le site, hein, site internet Sportaz qui vivote. Attention, quand le Munster est à terre, elle est encore plus dangereuse. 32-32. Ballon récupéré. Voilà, on essaye de mettre ça au milieu du terrain, très exactement, pour ensuite pouvoir attaquer de n'importe quel côté. C'est celui de gauche qu'ils ont choisi, les Irlandais, avec une petite attaque. Il va même être jeté en touche. Magnifique défense toulonnaise. 10 points d'écart. Hein, il va faire pipi. D'accord. Ah, voilà, il va faire pipi. Monsieur, pendant le match, je vais pisser tranquille. Il a qu'à profiter de la mêlée là pour pisser sur l'adversaire. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis. J'ai oublié que sa vessie n'était pas une lanterne. Et tandis que M. Joyce ramène tout le monde un petit peu au calme car on continue de s'agiter sur cette pelouse, il va falloir se maîtriser plus souvent. C'est là-bas le soleil, c'est là-bas. Oui, il a dit l'arbitre. Hein. Pas trop contre le soleil, ben c'est ici. Pas bon pour les images. Comme, oh là là, il y a eu cartonnade, une cartouche dans la face. Une cartouche dans la face. Cartouche dans la face. Oui, je comprends rien ce que tu racontes. Faut dire que j'étais à l'anniversaire, Jackie. Traduction donc, hein. Merci Jackie. L'arbitre, voilà. Alors, cartouche dans la face, c'est interdit. Vous ne prenez pas trois parts de gâteau. Vous laissez Jackie souffler les bougies. Voilà, vous allez dehors. Oh là là, carrément, il est expulsé. Expulsé ? Oh oui, yes, en fait, expulsé dire... pendant des minutes. Hein. Ah bon ? Oui, c'est... pendant la mi-temps. Oh, Callaghan qui sort, c'est l'inspecteur Harry donc, qui est viré, qui a été un peu trop ardu sur la pelouse. Et là, oh là là, de suite, hein, lui, il est réparé de suite. Il se fait réparer. Réanimé par Brigitte. Brigitte, hein, c'est Brigitte qui va s'occuper de lui buccalement. Très rural, Brigitte. Vous êtes complètement abruti, mes pauvres amis. Alors, est-ce qu'on prend la pénalité ou est-ce qu'on prend la mêlée? L'arbitre propose. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a le soleil dans les yeux, je sais. Casquette pour tout le monde. C'est une pénalité choisie par Toulon. Alors là, ça devient bon parce que Toulon mène, Jacques, 16-6. Imaginons qu'il passe la pénalité, ça nous fait 19-6 et ensuite il se retrouve en supériorité numérique. C'est super. Fait, écoute, moi j'essaye de t'égayer un peu cette confrontation. Bon, si t'en veux pas, hein, je comprends. Oh là là, mais combien il a d'œil lui. Oh là là, il a... regarde les yeux qu'il a. Je suis allé. Il voit jamais le ballon. Oui, à la maison. Ouais. On fait le con. Jacques vient d'enlever le micro. C'est absolument extraordinaire. Est-ce que je peux aller vers... Ah, tu peux aller partout, ouais, là. C'est ça. Bon, après, bien sûr, je n'ai plus qu'une main. Oui, aussi, mais non. Alors, nous sommes en test, hein, encore une fois. Jacques vient de sortir le micro du pied pour s'essayer à... S'essayons, qu'il y a des problèmes au Paris Saint-Germain. Il y a pas, et puis il y en a un autre qui est en prison, hein, lui, c'est Sillon. Attention à cette pénalité pour Johnny Wickelick Sound. Tinut. Ça sent la Tunisie. Donc la liberté. Allez, on va le dire, ce bon vent qu'on aime tant, nous oh oui, sortons oui, tout droit. Oui, regarde-le, il est quand même extraordinaire. Droit. Il en a loupé qu'un très lointain et celui-là, il ne le manque pas parce qu'il sait qu'il est particulièrement important. Alors lui, il a un œil, là, c'est quelque chose. Hein, oh, dis-donc la gueule qu'il a. Regarde-moi ça. C'est ça. Allez, 3 points de plus. Dans l'escarcelle. Et oui, on se pose des questions quand même du côté irlandais. Est-ce que la férocité toulonnaise n'aurait pas mis très vite au pas la furie irlandaise? Oui, ben c'est surtout qu'ils n'ont rien sorti, les Irlandais, tout à fait, de leur domination à un moment donné, de leur puissance, que dis-je, leurs infiltrations. Domination très furtive, hein, les 5 premières minutes, ils ont été à fond, et puis depuis là, ils ont quand même vraiment... Ouais, vas-y, continue. Envoie la purée, Sparta 705, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon, c'est qu'un charlot. Ah, quand même. Allez, String pour le Munster. String qui a bien ouvert. C'est parti, c'est la cavalcade maintenant avec Oti Mintz. Oti Mintz au timing qui a défoncé son adversaire. Celui-ci veut se reprendre, le molester, mais il le loupe. Intervention du Munster qui veut sortir la balle. String qui revient chasser comme un salopard les adversaires potentiels. On défend bien. Le rythme disparaît. Ben pas ici, hein. Je dois vous dire qu'ici le rythme est plein. Avec John Peter au garage maintenant. Peter, il est contré. Et c'est la bonne petite balle. S'il peut la récupérer, dommage. Oh, mais jetez-vous sur ce ballon. Ça n'est pas terminé. Deuxième essai possible pour un nouvel essai en plus. Ah, ce serait bien pour les Toulonnais. Là, ce serait, Jacques, ce serait presque le match gagné si les Toulonnais venaient à marquer maintenant. Il faut qu'ils récupèrent ce ballon. Oui, c'est fait. Parfait. Avec Johnny Wickelickson qui peut ouvrir comme un demi-de-mêlée. Yeah. Oh, ça joue! Enfin de belles actions! Allez, vrai, tout de bien! Oh, le petit peut l'avoir! Vas-y, Manu! Non, Manu! Mais il est pris! Oh, super bien fait de la part de celui-ci qui va échapper à tout le monde! Non, pas cette fois-ci! Oh! Et là, il est quand même dans la merde! Un petit peu, mais il a. Il s'est foutu dans le caca tout seul! Et oui, mais il a su résister pour ne pas faire un renvoi au 22. Oui, mais il est à 5. Bravo! Oui, bienvenue, Jacques! C'était tout à fait ce qu'il a fait, il s'en est bien sorti, le bougre de salopard! L'Irlandais sous pression et. Derrière, vous entendez, hein, ça crépite. Or, comment faire entendre ce rythme? Donne-la. Oh, il est passé, mignonne. Il va y aller. Il va y aller, mignonne. Oui. Goal, le deuxième. Donne-la. La mauvaise transmission. Quel enfoiré de sa mère. Oui, mais Manu, il est pas. Il va. Goal. Pas de hors-jeu. Le président qui croit à sa bonne étoile, qu'il a sur le t-shirt, et c'est un essai toulonnais, mais il s'est fait démonter la pommette, il a la gueule en 3 épisodes, et maintenant il est parti. Il s'est fait déboulonner. On va regarder ça aujourd'hui, regarde-moi ça, mignonne, magnifique, il donne la balle, il fait le boulot, c'est là que la transmission n'est pas bonne, il peut prendre sur l'autre, c'est dommage. Mais celui-ci, c'est sac à main qui fait un crochet magistral, qui là, oh là là, derrière, il te prend effectivement, il prend le 14 en pleine poire, et c'est un petit peu regrettable. Il évite le premier, il passe le deuxième, mais là, regarde, bam, oh là là, qu'est-ce qu'il est venu lui mettre l'autre. Et ce sera donc un essai pour Toulon. Un essai complètement en coin, mais une pénalité tout à fait faisable. Une transformation, pardon, j'étais en train j'étais ailleurs. Quand je vous ai dit cette dernière phrase, je tiens à vous le signaler, j'étais ailleurs. Allez, on score. Antonio, on score. Mais attends, ils sont en train de prendre une tannée comme personne ne leur a mis une tannée, là, les Irlandais. Hein. Attention, si Toulon se met à prendre confiance en ses capacités et en son potentiel, attention. Ah, ils font péter le jeu, ils font péter le score. Ils font péter l'équipe adverse, surtout. Ah, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont en train de les molester. Johnny, Vicky, à la transformation. Ouais, bien en coin. Regarde-moi ça. Go! Écoutez, c'est sans contestation, 3 points de plus pour les Toulonnais. 2 par rapport à l'essai, c'est pas une pénalité, c'est une transformation. Essai, effectivement, on le revoit, cet essai miraculeux. Pas tout à fait. Oh, sur le finish quand même. Ah oui. Bien mérité, certes, mais sur le finish, quel beau boulot. 26-6, non, c'est incroyable. On est qu'à la première mi-temps. Ils doivent pas le croire, les Irlandais doivent pas le croire. Et qu'est-ce qui se passe? Où on est tombé? Et il contre-attaque là sur le coup. Peut-être qu'il va passer cette fois-ci lui. Oui, demain. Oh, quel. Bien repris par la défense toulonnaise. Ouais. Et son capitaine, plus exactement. Qu'est-ce qu'il a fait, une cuillère? Pénalité pour les Irish. C'est joué vite? Non. Je pense qu'ils vont aller prendre quoique, avec 20 points d'écart. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aller chercher 3 petits points, visiblement? C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont aller chercher les 3 points supplémentaires pour se rapprocher. N'oublions pas qu'ils sont en infériorité numérique aussi, les Irlandais. C'est une belle précision qui a alourdi le score, effectivement. Mais même à 15-15, ils étaient là, largement au-dessus. Ouais. Les Toulonnais, en tout cas, dans le réalisme. Tu veux du croque-monsieur, toi? Il a le droit de savoir. Oui, le droit de savoir si tu veux du croque-monsieur. C'est à l'intérieur d'un territoire qui ne voulait plus en entendre parler. Oh, s'il vous plaît, non, arrêtez, hein. Ah si, le croque-monsieur, on peut revenir sur ces bonnes bases le culinaires rock, à la française. Le croque-monsieur. juste après cette pénalité, cette tentative, oui, en tous les cas de garage, la mi-temps sera sifflée sur un score fleuve pour Toulon, 26-9 donc, 26-9 ici à Mayol. On se retrouve dans quelques instants puisque c'est déjà la mi-temps. Oh, quelle vitesse passe ce match. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous aime. Je pense que pourtant 705 est un bon cru, c'est un bon cru d'une bonne émission. Les problèmes techniques ont été réglés en amont. Et bien évidemment, ça se sent. Quand le problème technique est réglé en amont, le spectateur peut en profiter au maximum. Et bien évidemment, l'artiste peut se livrer complètement pour donner le premier potentiel. Alors, on dit ça, Saint-André, on dit comment vous appelez exactement Saint-André? Oh, comment tu veux ça? Papa m'a appelé Pépé. Alors, vous appelez Pépé, Pampané, Mémé m'a appelé Popo. C'est pas important comment vous appelez. Merci, c'était chiant. Ah, oui. Bien, nous sommes particulièrement contents d'être ici parce que nous sommes bien habillés aujourd'hui. Nous sommes élégants. J'aime le rugby. Voilà, c'est la pause. Hein. Ça va très vite sur France 2. On prend pas le temps de quoi que ce soit. C'est déjà la thune qui doit rentrer. Tout de suite, publicité. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Ça doit gratter. Du genre inceste. D'arriéré, quoi. Des turpitudes. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller libérer quelques problèmes. Je te retrouve tout à l'heure. pop, the man goes childish finger licking. The children lost their guidance as soon as they hit the ground. As they climb the project portal and find themselves the guns. Gotta get out of this mess hole where everybody's running, looking for a bright future where no one can be enslaved. You spoke to lollipop, the man goes childish finger licking. I'd get rid of this way with a little more support, make it up and ride it right now. Do as the Rasta do. Love the people and grass. Embrace the day of doom. Tis born to lollipop, the man goes childish finger licking. Stand upright, be ate. It's Coptic time, the clock's ticking. Implemented by landlords in gold mines and cutter fields. Businessmen bring the method up to date. No individual, economics are global. In a sense, should I say ingenuity will not see tomorrow. I can take it. Jérémy, on va essayer de régler ça. Hein. De créer notre... Publier aux éditions Verdi. Pronto. On va essayer de régler ce son puisque nous saturons. Mais ça, c'est sûr. Pour saturer, nous saturons. C'est reparti pour le time shift dans quelques secondes. La deuxième mi-temps de ce Sparta 705 entre Toulon et Munster pour les Coupes de Rap de le rugby. Oui, mais alors le time shift, il faudrait le prendre un petit peu avant là. Time shift, mais ça ne veut plus rien dire. Hein. Il faudrait quand même l'expliquer une minute avant, quand même, tu vois, parce que bon. Oui, mais les quelques habitués qui nous suivent savent qu'il est 40 minutes et 11 secondes. Je pense que les Irlandais jouent encore à 14, là, Jacques. Hein. Ils ont encore une ou deux minutes avec infériorité numérique. Et on est bon, repartir immédiatement dans le même sens, histoire d'aller enfoncer le clou. 26-9, c'est comme si c'était frais. Oh oui, yes, il est passé, il met à l'intérieur. Magnifique, man joué. Bon plaquage et belle défense des Irlandais, mais on est dans le 22 mètres déjà de Munster, les petits ennemis. Ouais, là, c'est le Viet de mètre même. C'est du monde là, qui se bagarre pour récupérer ce ballon avec une sortie de balle là, qui va être impeccable pour Mignomini. Pourquoi pas? Il y a un en avant ou il y a une position de hors-jeu de la part des Irlandais, c'est une pénalité. Eh bien, tout simplement, merci Jackie d'avoir été aussi professionnel pour nous dire exactement ce dont il s'agissait. C'était une pénalité au bénéfice des Toulonnais. Oh, ben, oh là là là, écoute, ce match qui s'attendait serré, tendu, avec énormément de suspense, est en train de prendre une tournure qui me dégoûte, hein, personnellement. Je n'aime pas ces matchs où il y a du relâchement. Je n'aime pas ces matchs où le score prend de l'ampleur. C'est trop gagnant. C'est trop vite, trop dur. On n'a pas le temps d'avoir peur, rien que déjà la partie est terminée, c'est terrible. Dis fort pour voir. Fort! Johnny Wickerickson, qui, je vous le rappelle, est amateur de prostituées tibétaine, effectivement, c'est un peu sevré en ce moment. Attention, par contre, dès qu'il s'agit de la mettre entre les gambettes, il la met entre les gambettes. Et voilà, il a fait 3 points de plus. Oh non, il a loupé le plus facile de sa mère. Jamais il avait loupé ça. S-A-L-O-P-E. Ah oui, il a saloupé le travail. Oh, jamais il n'a loupé un coup de pied aussi facile. D'habitude, il le met avec la tête, avec le talon, avec le genou. Et là, regardez ça, il se met complètement à côté. Oh ah, pourtant, visiblement, Jean-Louis, si tu peux nous remontrer ça au ralenti intelligemment. On va demander, effectivement, on va demander la vidéo pour voir si ce ballon est passé ou non. Eh oui, alors ça, c'est rare. On y va quand vous voulez, moi, je m'en fous. On y va maintenant. Est-ce qu'il passe devant le poteau? Devant le poteau, semble-t-il. C'est beau, c'est mal. C'est goal. C'est goal. C'est goal. Si ça passe devant le poteau, c'est goal. C'est goal là. Oui, pour l'instant, ça chamaille, ça discute. On a rarement vu ça. Et les arbitres n'arrivent même plus à voir si le ballon passe entre les poteaux. C'est goal. Inscription de la partida. Que mettra Entonces ahora. Oh là là, l'œil du tigre. Uh-huh. L'œil du tigre pour Callaghan. Autrement dit, l'inspecteur Harry qui s'est fait expulser pour utilisation un peu perfide. de son arme de service sur la pelouse. Alors, nous aurons un message de Ségolène loyal. Qui nous le sait pas. Mais dis donc, t'es en campagne ou quoi là? Non, c'est elle. Ça fait 4 fois que tu l'as cité. Qui sent la campagne parfois dans ses propos, si je puis dire. Je ne comprends pas tout. Hein. Ce sont des propos crus. Je te dis que je ne comprends pas tout. Non, je l'ai entendu parler de la Tunisie, de la Tunisie, le maximum. Bon, petite balle, oui, la donne, c'est magnifique, le décalage est fait, gros. Vas-y, Kiki, oh, il la remet, en dommage. Ça pour dire que j'ai trouvé assez ridicule là, dans ses propos, mais c'est pas grave, 705, c'est le numéro de la chance, même s'il n'y a rien à gagner aujourd'hui. Oulala, ouais. Nakanoï qui revient donc sur Mark Nakanoï, qui revient donc sur Hans Pilouz. Pilouz pour se venger, bien évidemment. Alors quoi, il y a une petite balle en avant, qu'est-ce que c'est oui, une fois de plus. En avant, ça peut-être, non? Ah, sur ça, oui. C'est ici qu'on considère effectivement après, bon, que avant, le ballon a été donné en avant, et en avant, avant, c'est pas bon. Trop con, pardon. Mêlée. Ah, là, est-ce que derrière, nous entendons la tribu des mangeurs de ballons qui est en train quand même d'exprimer son mécontentement. Ah si, non, écoutez, laissez-moi ce morceau. Laissez-moi cette musique. Pour Jackie, quoi. Pour son anniversaire. Je suis très content. Enfin, quelqu'un pense à moi. Aujourd'hui. Rarement. Oui, ah oui, bah oui, ça. Rarement, je dois le dire. On va voir ce qui se passe réellement sur cette action. Ouais, la mêlée irlandaise est sous pression tout de même. On a essayé de gaver la mêlée avec un produit génétique, mais ça n'a pas marché. Et le capitaine toulonnais, je m'excuse, Jacques, d'être un peu sérieux, là, le capitaine toulonnais qui donne de sa personne pour entraîner ses coéquipiers dans son sillage. Et c'est pas mal du tout, parce que là, ils ont fait les dents, je ne sais pas comment. Lui, c'est Wiki Lynx. Lynx, pardon. Oeil de Lynx. Joueur incisif, s'il en est. Ah ouais. Là, ils sont beaux, ces toulonnais. Ah, ils sont bien dans leur partie en tous les cas là, 29-9, 20 points d'avance, 44 minutes de jeu déjà. Autrement dit 4 minutes 30 passées dans cette seconde partie de match. Je veux dire qu'ils sont pas mal du tout, tu vois. Même en cochon, voilà. Le ballon est irlandais, ils le font galoper, mais ils sont contrés. Toutes leurs offensives sont vouées à l'échec, il y a quelque chose qui ne va pas du côté de Munster. Ouais, la banque centrale. Le site Munster a fermé, non? Non, il n'y avait pas quelque chose comme ça, Jacques? Le site Munster. Oui, là, excuse-moi. Ah, excusez le jeune, Jacques, il ne comprend plus ce qu'il dit. C'est vrai. Avec Mignomini qui va sortir la balle pour Toulon. Munster et boule de gomme. Et puis là, on se dispute le ballon, tout le monde est debout, alors qui va l'avoir? Eh oui, c'est la bataille, l'arbitre est obligé de laisser faire, il doit le laisser faire! Avec une augmentation quand même d'un euro ou deux minimum. Ouais, la TV va monter. Ouais, donc on nous pompe bon, de plus en plus. Ouais. Hein. Oh, de partout, hein. Ouais. De partout sauf comme il faut. Ah oh, oui, il a passé le break, ballon et la balle, s'il la donne. C'est dommage. Pas pu la donner pour Toulon et c'est un contre Irlandster. Oui, Irlandster qui ne va pas très très loin, mais intervention de monsieur Joyce qui considère une petite position de hors-jeu de la part des Toulonnais. Et on attaque avec au garage qui n'ira pas plus loin. Qui est visiblement en panne et qui s'arrêtera donc là. Et le Munster attaque avec Otimins qui tente de prendre l'intervalle. Il y a une petite U2 mobile. Il y avait une petite un passage à vide, ce qu'on appelle, ou plus exactement un tamponnade de la part des joueurs. Est-ce qu'on revoit cette tapenade, hein. Ah, c'est pas pareil, Jacques. Ah non, c'est pas la même. Ça fait mal aux olives, la tamponnade. Alors que la tamponnade, c'est plus haut. C'est plus viril, hein, la tamponnade, bien évidemment. Effectivement, il y a un petit passage avec O'Callaghan qui n'est pas du tout dans son match, hein, là, qui est complètement à côté de la partie. Et c'est une pénalité supplémentaire pour Toulon. Alors là, ça devient un bon. Pourtant, O'Callaghan, d'habitude, il assure. Hein. Johnny Vickilixon qui place tranquillement son ballon. Alors c'est déguisé en impresario. Bon, on l'aura vu quelques fois quand même, hein, cette image du buteur toulonnais placer la balle, se préparer, casser la noix, vous allez voir, il va casser la noix. Jean-Louis, je suis là jusqu'au bout. Jean-Louis, tu vois bien que tu filmes comme un salaud, là, il y a quelqu'un qui te gêne là. Alors. Discussion. Ah, Jean-Louis est en pleine discussion, oui. Reviens. Reconnexion de contrat, Jean-Louis, il y a des jeunes. Ça ne va pas, Jean-Louis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Hein? Jean-Louis n'est pas content, qu'est-ce que tu veux? Dans l'autre sens. Ben oui, mais change pas de voix chaque fois que tu nous dis quelque chose aussi. On ne sait jamais si c'est toi ou pas. Et c'est pas good cette fois-ci. Il y a eu un poteau une fois de plus. Hein. Il joue avec les poteaux aujourd'hui, Wikileakson. Hein. N'oubliez pas qu'il y a eu un poteau rentrant. Tout à l'heure, un poteau qu'on ne savait plus. Et que maintenant, c'est un poteau qui a renvoyé. C'est vrai, il met le feu au poteau. Bon appétit si vous êtes à table, ce qui m'étonnerait à ce tour-ci. Le ballon est remonté par les Irlandais qui sont obligés de jouer toutes les opportunités. Bien évidemment, maintenant. Menés comme ils le sont, ils vont pas. Hein. Ils vont essayer d'aller au moins chercher ce qu'on appelle le point de bonus, c'est-à-dire revenir à moins de 7 points d'écart. Le cadeau bonus. Point de bonus. Tu feras la lessive une autre fois, c'est gentil. Bonus Caius. Jackie, vous êtes de bonus humeur. Oui. Ah oui, grande bonne humeur. Je suis réveillé ce matin, si vous saviez. J'étais joyeux. Alors, Jackie, j'ai appris qu'il n'y avait pas de C dans Jackie. Non. Ouais, non, c'est un. C'est... Alors, soit c'est une faute de frappe, soit il faut que je demande à maman. Jackie censé, c'est pas mal. Il n'est pas tout à fait. Oh là là, alors que là, il y a Mignomini qui est en train de se chamailler avec un ami. Avec un monster. Joue pas en vert. Le monster joue en vert, c'est en habitude. Au garage. Allez, c'est parti. Oh là là, mais c'est de la taille, ouais, là, c'est la boxe taille, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a, les amis? Allons. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Oui, le monster est quand même plus ou moins énervé. Ah, mais là, c'est chaud. Mêlée maintenant, magnifique. Mêlée, mais sans ballon. Ils sont forts, ces joueurs. Bizarre, ils arrivent à s'organiser sans le ballon. Non, mais l'arbitre a l'air d'apprécier ces fausses bastons. Ouais, bah, il sait que ça n'ira jamais. C'est un mouvement d'énervement, vois-tu, de la part quand même des Irlandais qui supportent mal ce qui leur arrive aujourd'hui. Et Toulon n'a pas l'intention de se laisser revenir dans les pattes. Est-ce que l'arbitre de touche, là, il est prêt à dire quelque chose, hein? Je pense qu'il était étonné parce que ça circule en français. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, chamaillerie? Est-ce qu'on a essayé de voler un sandwich? Non, magnifique, merci. C'était sympathique. Et là, on voit que Mignon, ils se connaissent, pourtant ils ont joué l'un contre l'autre en équipe nationale. Et Mignon est au garage, et cette fois-ci, c'est au garage qui prend la décision avec l'ange blanc. Ouais. L'ange blanc. Tout est bon là avec un coup de coudère. Et ça continue, même quand il se relève. Pourtant, il est plus petit. Hein. Ah, mais c'est pas grave. C'est... Ouais. S'il est plus teigneux. Mais peut-être plus court. C'est possible qu'à un moment donné dans le jeu, le joueur devienne abruti quand même. La tension, l'agressivité, tout ça. C'est vrai qu'à un moment donné, le joueur devient complètement con. J'ai cru comprendre l'évolution humaine, c'est le cerveau qui a grossi, qui a grandi. Il a essayé de lui voler le sandwich et l'autre, il n'avait pas fini le sandwich. Ouais, hein, il a essayé de. Eh bien, le sandwich au saumon. Le saumon du concombre que tu mets dedans. Tu sais, il met du concombre dedans. Et bien, il a essayé de lui voler le sandwich au concombre et le saumon à l'intérieur. Ah, mais non, il faut faire attention quand même, hein, parce qu'il n'a pas bouffé le petit. On peut trouver un truc de substitut peut-être pour remonter le. Mais des betteraves, t'as qu'à filer des betteraves. C'est la bonne protéine. Ça discute ferme, hein, du côté des arbitres. Betterave, je te dis. Protéine. Oui, parce que j'ai la protéine. Oui, la protéine. Betterave, si je comprends. Betterave. Oui. On mélange. Oh, écoutez, comment rien. Attention, est-ce qu'il va y avoir un nouvel expulsé du côté irlandais? Je pense que c'est au garage qui va se faire appeler. Au garage. Eh oui, c'est. Oui. Si ça continue, je le renvoie au garage, vous avez compris. Parce que j'en ai marre de voir des bagnoles pourries qui drainent sur le pelouse. Alors arrêtez immédiatement de fumer, vous polluez le match, vous sortez, go! Avec très peu de connotations politiques jusqu'à. D'abord, ils ont perdu une poutre maîtresse, c'est-à-dire dans le pack. Hein, ils avaient eu un joueur exclu pendant des minutes. Et là, maintenant, ils perdent le maître à jouer, celui qui est censé organiser le jeu derrière. Et oui, ils rentrent au garage. 10 minutes. Hein. 10 minutes seulement. Hein, bah, c'est réparation express. Là, vous allez voir, ça va très vite. Et là, personne ne remplace en place. Ah ben non, l'exclu, Jacques, l'exclu n'est pas remplacé. Sinon, ça ne sert à rien. L'exclu, c'est l'exclu. Radio Sportas. Bien évidemment. Et du coup, c'est une pénalité pour Toulon. 48 minutes 40 et quelques secondes de jeu. 29-9 pour les Varois. Autrement dit, c'est relax, hein, c'est tranquille, c'est pépère, c'est gentil. Toulon ne s'attendait certainement pas à pouvoir jouer ce match aussi facilement, je pense. Allez, un petit peu là-bas. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit, Jacques ? Coucou ! Coucou ! Oui, c'est l'heure. Ah ben ça va mieux, tiens, c'est ce qu'on va faire, on va prendre un petit jingle qu'on a un peu négligé au cours de la première période. Donc nous allons aller chercher un jingle ou Sportaz ou Radio Sportaz, c'est au choix. Il faisait tellement bon regarder ce petit match. Dehors, l'orage tonnait, grondait. Mais dedans, c'était chaud. Sporteuse. L'émission qui prend de la bouteille. C'était super. Ah, je m'en souviendrai. Ah, nous aussi, nous nous en souviendrons de ce jingle. Effectivement, c'est un jingle fait et à la radio et à la main. Et à la main en direct dans le Sportage 557. Absolument. Et à la maison, on peut même dire. Hein, on va pas tout vous cacher, on ne va pas tout vous dire non plus, mais quand même, quelques bonnes petites infos vous seront fournies au cours de cette confrontation. Attention, parce que là, les Irlandais reviennent férocement dans le match. Fermement, effectivement, ils fermentent même. Ils fermentent l'essai, là, avec. Ouh, la longue passe, dis donc. Décalage fait, oui, il est passé, il peut la donner. Oh yes, Toulon, c'est Toulon qui attaque. Tout à fond, tout bon, Toulon. Bonne récupération, il ne marque pas. Il ne marque pas l'arrêt de voler, donc finalement cette balle peut voler de main en main et repartir. Donne-la, voilà, quel dommage. C'était joué en arrière, on peut continuer donc à se passer le cuir. Et les Irlandais qui attaquent désormais avec un petit coup de pied à suivre, magnifiquement exécuté. Il va le reprendre, il le sort en touche, Ça va, c'est pas mal. Alors effectivement, il faudrait pouvoir aller sur le site. Mais d'ici, moi je suis un peu coincé, c'est vrai, si notre technicien Jérémy trouve que le son est meilleur désormais. Nous avons essayé de régler ça à la mi-temps grâce à ses précieux conseils, merci. Hein. Merci J-E-E-M. Mal aligné, pas aligné. Et nous on est aligné. C'est vrai que là, Saké s'est fait saquer. Comme ici, Lulu s'est mis comme il faut. Il s'est fait casser même, ouais. Interrogation dans l'esprit de l'entraîneur irlandais. Hein. À ton avis, il se demande quoi là, exactement? Qui va le mettre la prochaine fois? Tire le point supplémentaire, monsieur. Le gain maximum pour sortir avec confiance de cette confrontation européenne en Coupe d'Europe. Donc il n'y a pas de petit profit. Oh là là, tout a pété là, non? C'est un public particulier. Un vidange. Un vidange public. Et on le remet, voilà. Sportage, tous les quarts d'heure, nous vidangeons le public. Il s'est précipité, les Scots. Et du coup, les Scots, hein, le score aussi, d'ailleurs, c'est légèrement précipité. Du coup, c'est une pénalité pour le Munster. Mais le Munster, d'abord, a beaucoup de points de retard et ensuite n'a plus son buteur. Donc, ils sont obligés de les jouer, ces ballons. Allô. La hiérarchie veut que tu t'occupes des nouveaux postulants le temps de l'enquête interne. Oh merde. Ah non, mais moi je regarde le match là, j'ai pas le temps, non. Oh, mais chier. Oulala, il y a un costaud qui rentre. Et vous voyez, hein, les balcons qui sont pleins là-haut, les resquilleurs, et le Pays Basque en joie. Oui, ça faisait poire belle Hélène aussi. Emplacement tranquille du côté de... On fait entrer un monstre à la place d'un costaud, c'est vous dire si en face on est content de retrouver ça. On préfère garder celui qui est fatigué que celui qui est plein de pêche et qui rentre comme un fou. Petit changement, mais grosses conséquences peut-être. On va voir ça, n'oubliez pas que les Irlandais sont une fois de plus réduits à 10. Et oui, cette fois-ci, c'est pas un avant. Alors là, devant, ils sont très costauds, très forts. Donc peut-être que maintenant, à 8 contre 8, ils vont insister sur ce plan-là. Et j'insiste moi aussi d'ailleurs. Oui, attention. La direction a insisté. Visiblement pour ce joueur. Avec Toulon qui se bat pour empêcher le développement de l'attaque et de la Toulon qui a même récupéré le ballon, me semble-t-il. Toulon tout court. Et intervention de Monsieur Joyce qui rendra la mêlée au bénéfice des Irlandais. Toujours 29-9, 53 minutes de jeu. 29-9. C'est pas du bluff là, ils ont vraiment joué côté Toulonnais. Mêlée. Instant tranquille sur la pelouse de Mayol ici. Ou Jacques. Magnol. Jacques à Mayol, c'est quand même quelque chose, je dois le dire. Oui. Joli plan de la part de Jean-Louis, on voit une grosse publicité. Là. Ouais. Un 4-4, on peut le dire. Sacré bourrin. Un truck. et mêlée irlandaise. Jouer vite. Oui, mais cette fois-ci, tu vois, voilà, ils sont voilà. Vite désormais, Jacques, devant. Donc c'est autre chose. Avec l'attaque magnifiquement faite, oui. Oh. Oui, mais c'était très à plat finalement. Ça manquait un peu de profondeur, tu vois, et de pénétration dans la défense toulonnaise. Donc effectivement, c'est assez peu fertile. Non, que si ici on se boit un petit coup. Ah non, ils se maquillent, les joueurs se maquillent avant de revenir sur la pelouse, Jacques. Ils se font belles, eux aussi. Attention, c'est peut-être l'instant tanné. C'est un moment important de la partie qui fait bien de... Car s'ils prennent un vrai contre, là, les Irlandais seraient foutus. Par contre, s'ils venaient à marquer un essai maintenant, Jacques, voilà. Ça pourrait peut-être les relancer. Belle prise de Toulon, mais monsieur Joris n'est pas d'accord. Ouais. Intervention. Pourquoi? Oh là là, oh les gueules, il y a de ces gueules, c'est hein, on dirait un film. Hein. Faut aimer la gueule. Ouais. Souvenez-vous, quand c'est un grand écran comme ça, sur un grand écran, vous avez la tronche qui fait un mètre. C'est assez impressionnant, c'est vrai. On va dire, c'est un sport majeur avec des têtes de mineurs. Qui a bouffé mes bougies, là? Qui a bouffé mes bougies? Ça rejoue en mêlée debout. Mêlée tranquille. À l'envers. Ouais, on essaie de récupérer le ballon, comme ici, tu vois. Voilà, c'est fait. Il ne faut pas aller en touche maintenant. C'est fait. C'est aussi. Dommage. Tiens, la chance, c'est côté toulonnaise. Hein. C'est même manifestement haut. Ouais. So British, so bogos. Ah, c'est l'Irlandais, hein. Ouais, c'est l'Irlandais dans toute sa splendeur. Ah, ils ont le peigne fin tout de même. Oui, il est passé. Ouais. Jean-Louis, c'est bon pour le gros plan, ou alors t'es amoureux, ou alors je ne sais pas ce que tu cherches à nous démontrer, Jean-Louis. Mais cette balle n'est pas droite. On touche, ça va mal du côté du Munster, ça va très mal. Même ce qu'ils répètent régulièrement à l'entraînement, ils n'arrivent plus à le faire. C'est vous dire s'ils sont aujourd'hui troublés par ce que leur a fait subir le peuple varois ici sur la rade. À toi. Place de la Toile. À vous. SRP. À eux. Les 10 ans de l'association Remue.net. Alors. Remue.net. Ouais, écoutez, c'est une information. Nous irons voir ça tout à l'heure. Eh ben oui, nous vos infos, hein, pourquoi pas, pour que nous citions vos sites. Ah, c'est joliment dit, ça, tiens. Site est cité. C'est curieux. Non, mais si on n'a pas eu votre femme. Quand je cite un site, ça m'excite. Ah, il vous en faut peu, mon garçon. Enfin, ça dépend si c'est chaud des pervers immédiats. Effectivement, moi aussi, ça me prend. Attention! Attention à cette mêlée, les gros culs sont en place, rang. Ça rentre bien dans le calbar. Allez. Ils essayent de se rentrer les épaules au niveau du coccyx, c'est terrible. Ça avance, hein, ça stagne un peu. Oui, mais sortie toulonnaise. Ah, bien vu. Sans perdre le ballon. Ouf, là, on est où là, Jean-Louis? On appelle les plans. Sur les déblayages, les gars. Quoi, tous ces plans? Trop de plans, voilà, grand là. Plan. Ouais, Jean-Louis, tu sais que Jacques, maintenant, il faut y aller doucement. Hein. Oui. Faut pas trop changer les plans trop vite. Et contre-attaque irlandaise avec Dublin. Ce match est agréable. Dublin. Je ne sais pas à quel niveau, mais Jacques trouve ce match agréable. On pourrait enfiler des gants. Oui, aussi, bien évidemment. Vous faites ce que vous voulez finalement pendant cette partie. C'est dimanche après-midi, bonjour. Hey, hello. We are in live in a Radio Home Sporters Studio. Oui. Oui, alors je pense aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, là je me demande effectivement s'ils n'ont quand même pas mieux à faire, c'est-à-dire à prendre et profiter du soleil que nous n'avions pas vu aussi flashant depuis des lustres. Et si tout va bien, Sporta 706 en direct à 21h tout à l'heure, pour oui, le si tout va bien, hein. Grand bonheur de Jockey. Ouais, je suis content, mais c'est pas sûr parce qu'il y a. Nous sommes en pleine négociation en ce moment, bien évidemment. Vous savez que le foot coûte cher, beaucoup plus cher que le rugby. Le rugby, on peut se le payer, le foot, c'est autre chose. Je qui est. Il n'est toujours pas rentré hein, au garage. Et on répare. Ouais. Là, on est en train de lui faire les fondements. Modèle Blue Mountain. Voir les fondementaux. Indique, je te trouverai avec ce groupe. S'il vous plaît. Mêlée. Ne rentrez pas alors que là-bas on a vu les maillots jaunes de l'équipe de France se préparer pour le tour. Ouais, il faut qu'il soit dans le public, hein, dans le vif du sujet. Oh là là. Oh, lui est impressionnant aujourd'hui, dis donc là, le numéro 8 qui n'est autre que le capitaine. Hein, Toulonné est absolument Toulonnais. Impressionnant. Très bien, et qui est ce monsieur Toulonné? Il s'appelle Van Nick. Van Nick. Intervention là. Oh, quelle belle image! Regarde, tu as vu le mont Faron derrière, Jacques? Eh oui, c'est ça, c'est le mont Faron, regarde-le! C'est le capitaine! Regarde, là aussi, il n'est pas repris, c'est magnifique! En tout cas, il a bien maintenu son ballon. Oui, belle attitude, hein, c'est vrai. Très belle attitude. Tu aimes ce que je viens de dire. Quant au mont Faron que l'on a vu furtivement, Jacques, effectivement, c'est un mont important ici dans la région. C'est une catastrophe. Oui, aussi, c'est une catastrophe pour les cyclistes. C'est vrai. Et c'est une pénalité pour Toulon. Très bien. Prenons. On a 29,9, plus 3, 29,32. Oh là là là, c'est la rousse. Oui, à ce rythme-là. Et on sort carrément, on sort le stratège. Mignon Midi, il sort Mignon Midi. C'est incroyable ce qui se passe. Allez, on a un petit jingle, on a le temps. Oh oui, on est bien là. David ? Oui ? Jackie ? Oui ! Jacques ! Oui. Oui, oui. C'est nous ! Remarquez qu'il a changé de voix entre Jacques et oui. Sportaz. Yo. Ne changez rien. Mais changez-vous quand même de temps en temps. Là, le ballon est récupéré. Merci pour cette petite. Et en plus, le jingle s'arrête juste avant la frappe de Johnny Pikilikison. Pikilikison. Il va tenter donc de donner 3 points de plus à Toulon. Toulon, Pikilikison. Toulon, Pikilikison. Et que c'est bonne. Go. Oh, bah oui, même pas besoin d'attendre. Donc c'était un jingle, une sortie du match Sporta 647. Ah, en live, c'était un toujours. Jingle qui avait été fait en live, celui-ci. Oui. Oh, mais dis donc. Beau cadeau. Ah oui, c'est un cadeau qu'on vous fait. Oui. 32. Killingson qui. 32-9 là. Bien planté. Et plus ils en marquent, et moins le suspense, bien évidemment, ouais. Grossit. Et on se permet tellement ça va bien du côté de Toulon, on se permet des changements par-ci, par-là. On fait rentrer des jeunes, bientôt les femmes des joueurs. Bien, en fait, c'est tranquille hein, aujourd'hui à Mayol. Ouais, frappe là. Ouais, c'est pas Mayol naze, effectivement. C'est Mayol tout court. Quoi, Mayol ? Oui, très bien, je ne suis pas Herrero. Ah, merci Jacques, ça c'est vraiment pour les anciens qui ont suivi un petit peu l'évolution de cette formation varoise au cours des années. Oui, enfin c'est un petit peu d'actualité, on peut le dire comme ça. Ballon remonté, joué par les Irlandais qui bénéficient pour l'instant d'un avantage en cours. Les petites balles dans le dos, ça j'aime bien, c'est pas mal joué, ils défoncent tout maintenant les Irlandais. Ils se remettent à cavaler, ça y est, c'est bon, et c'est goal, et c'est goal aussi. Yo creo que si. Yo creo que si que goal. Attention, attention, parce que le Munster est en train de vouloir revenir dans cette partie. Arbitrage vidéo. La caméra, por favor. La camorra, envoyez la camorra. On va voir s'il a essayé ou pas. Il est bien décalé. Le pied, non. Le pied a touché la bande blanche, me semble-t-il. Tout le coude, le genou. Ouais, je pense que le genou, le hibou caillou genou a touché. Mais je pense que déjà, au départ, quand il prend la balle sur son premier appui, regarde le pied droit. Regarde le pied droit. Ah ben non, le droit, pas maintenant. Ah, là, tu vois. Là, il touche la bande blanche. L'arbitre a vu, mais il n'a pas levé la... Ah ouais, mais non, mais il ralentit l'arbitre. Si il est là, non, il n'y aura pas essai. Il n'y aura pas. Je pense qu'il n'y aura pas essai. Maintenant, ça dépend pas de nous, vous le savez. Jean-Louis. Nous n'avons que les petits moyens, nous ne pouvons pas influer. Pourcentage, Jean-Louis. Ça discute, ça négocie. Ok. No touche. Il a mis le ballon en touche et donc. No try. No, no try. Jacques. No woman, no try. Ok. No. Godfather est là. Ouais, mais il n'aime pas la bourre. Godfather, ils ont oublié quand même de lui dire que c'était fini les fêtes. Ouais. Ah, le père. Ah, oui. Dans Noël. Ah, renvoie tranquille donc pour les Toulonnais, ce qui est une pénalité, visiblement. On reviendra à un avantage en cours pour les Irlandais qui n'avaient pas été sifflés. Merci, Jackie. Oh, il la joue G-A-K-Y. Il la joue comme ça, cette petite pénalité, effectivement, avec l'écart de points. Ils n'ont plus à aller chercher 3 petits. Maintenant, il leur faut engranger grave à ces pauvres amis du Munster. Ils prennent cher tout de même. Et je suis sûr que c'est une des rares fois, Jacques, où ils prennent au moins 30 points dans la valise sans pouvoir marquer au moins un essai, tu vois. Oui, oui, là, ça sent le gros carton, effectivement, pour les Irlandais. Toujours il reste l'attaque. Moins de 20 minutes à jouer dans ces confrontations. C'est vous dire à quel point ça déroule aujourd'hui. 32 à 9. Oui, c'est bon, cette fois-ci, ils vont y aller. Allez, si le décalage est fait, oui. Non, oui, non. Ils sont 3 contre 2 pour les Toulonnais. Attendez. Non, excuse-moi, oui, je ne regardais pas tout à fait là. Il y avait quand même du gros monde côté Toulon. On serre les boulons et c'est pas plus con. Oui, voilà, ouais. Alors, je ne sais pas si à l'entraînement ils ont ce genre de message là, mais visiblement, ça porte ses fruits. Attention! Attention à ce ballon ressorti par le Munster avec John Peter. John Peter maintenant pour Dublin. Dublin, oh, qui a perdu la balle. C'était un en avant récupéré par Toulon. Et ça c'est bon pour les Toulonnais qui vont pouvoir se dégager et peut-être contre-attaquer même. Si celui-ci prend le ballon, il est chassé. Il est pris magnifiquement. Aïe, oh, ça on fait vivre le jeu, c'est bon. Ça chie pour les Irlandais. Récupérade toulonnaise, bien évidemment. Les Irlandais, le ballon est récupéré tranquillement par Toulon qui va pouvoir contre-attaquer avec son capitaine. Une fois de plus, Van Nick. Oui, par-dessus. Oui, par-dessus, il a vu que c'était libre. C'était libre, dommage, le rebond est favorable. Non, il n'est pas sorti. Il continue, mais il est fou ce type. Il est parti tout à la fois. Il est sorti par le joueur alors. Ah, le ballon était sorti, mais enfin, considéré comme ça par l'arbitre en tous les cas. Il applaudit, il s'applaudit lui-même. Il écoute Radio Sportaz. On voit gentiment cette phase de jeu ralenti. C'est dommage que le rebond ne fût pas favorable. Il n'est pas sorti le ballon là. Non, l'arbitre aurait pu laisser continuer. Mais c'est ainsi, et la touche est jouée. Sorti pour le Munster qui joue derrière et qui prend. Possibilité de mettre à jour. Terre à l'exception de celle-ci. Mise à jour, Jockey. C'est reparti. Pénalité de Parra. Parra. Munster, me semble-t-il, on voit Jérôme Talion. Et Guy Bonner. J'ai pas reconnu Guillaume. Moi non plus. Rapidement joué la pénalité, bien sûr. On est cherché à se rapprocher. Il la sauve. Elle n'est pas sortie. Il a sauvé le ballon magnifiquement. En fait, de la part du Toulonnais qui vont. Oh, on va le voir. Maintenant, on va le voir. Pris par la défense varoise, les Irlandais, ils ont vraiment du mal à se sortir du marquage terrible que leur impose les Toulonnais. Okay. Oh. Non avant forcé. Oh, oui. C'est reparti avec les Toulonnais qui engrangent. Ballon en touche, go. Touche magnifique de la part de Toulon. Waouh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris ce matin, mais ils sont bons. Et Toulon qui engrange. Et qui surtout fait plaisir à son public ici. Oui, ça fait plaisir à commenter quand même. Oui, c'est sympa. Oh là là, ils prennent des risques énormes désormais, les Irlandais. Ils prennent des risques s'ils réussissent le cadrage. Et oui, il est très fort celui-ci, il est très très fort. Attention à lui. Oh, il a des crochets, mais non, ça me rappelle Mamie. Oh oui. Oh, le jeu se durcit, mais il est magnifique. Ah non, ça joue. C'est ça qui est fou avec le rugby, tu vois, d'un seul coup, t'es obligé de commenter parce que les mecs se mettent à cavaler dans tous les sens, alors qu'au foot, on a le temps de réfléchir à autre chose. Ouais, on peut dire plus de choses, c'est possible. De conneries, bien évidemment. Bon. Oui, c'est vrai que là, on se laisse happer. Hein. C'est vrai. Ouais, on se laisse. Encore un quart d'heure dans cette confrontation. Et je pense qu'il y aura cette fois-ci un carton. Et oui, cette fois-ci, c'est Toulon qui va être réduit à 14 pour cette faute. Pardon. Oui. Enfin, on le sort parce qu'on n'arrive pas à dire son nom, surtout. Hein. Il Diablo. C'est pour ça qu'il est sorti, parce que. Il Diabolo. Là, jusque-là, tout va bien, mais après, je ne sais pas. J'ai pas tout vu. Ouh, yeah. Il est plus fort. Les Irlandais vont se rapprocher dans les 22. Toulonnaise. L'équipe toulonnaise. C'est pas la 22 mètres, c'est le 22 mètres. Je me suis laissé aller alors que. Mais c'est même pas le 22 mètres, puisqu'ils sont 22, donc c'est les 22 mètres, vous comprenez? Merci Lucky de nous reprendre. Merci. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel tout en haut là-haut, Jean-Louis? Oh, la lune. C'est la lune? Non, c'est pas la lune ça. Non. Pas maintenant, pas comme ça. C'est qu'est-ce que c'est que ce truc là-haut? C'est Jean-Louis? Jean-Louis, c'est toi qui filme? C'est l'œil de Dieu. Et remplacement une fois de plus du côté de Toulon. C'est l'heure du coaching. Oui, les corps sont fragilisés avec toutes les intensités qu'ils ont partagées sur le terrain. Ces deux équipes sont formidables cet après-midi. Avec encore du jeu dans les 22. Dans les 22, on peut dire dans les 22 maintenant. Pas tout à fait. Pour régler les comptes. Allez, dans les 22, les mecs, quand vous voulez. Là, maintenant. Yeah, c'est parti pour les Irlandais. Avec 3 points, 5 points, 7 points. Choisissez. Allez, on bluffe. Ouais, allez, moi 3-5-7 points. Allez, bleu, rouge, oui. 50 000 euros pour toi, Kiki, s'il passe la balle. C'est bien fait, oui. Et on retrouve à l'intérieur. Ils sont pris. La défense varoise est magnifique. Elle empêche les Irlandais de prendre l'espace et la profondeur. Sortez de là. Il n'y a plus personne. Allô, Jackie, je suis seul. Je suis seul. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire moi-même. Joyeux, je suis tout seul à me fêter mon anniversaire. Oui, ça se fait. C'est bien. On a les pétards. c'est beau, Jackie. Bravo, le feu d'artifice. La belle bœuf. Ça ferait un feu d'artifice. Ça mangerait plus. Le ballon est sorti par Toulon. Toulon qui se dégage tranquillement maintenant, ouais, et qui relâche la pression. Quel est l'âge de Jackie? Alors là, ça c'est confidentiel, mon ami. Pensez pas que je vais balancer des infos comme ça, j'ai pas ma gueule sur Facebook. Auriez-vous l'âge de Pierre? Non, puisque c'est Jackie. C'est la bataille. Et le ballon est sorti par les Irlandais avec kick-off. Kick-off, oui, qui le fait parfaitement. Juste par-dessus, mais ce ballon sortira. Et ce sera une touche au bénéfice des Varois. Oh, on avance tout doucement vers la fin. De cette confrontation, largement l'avantage des Toulonnais. Et cet essai refusé aux Irlandais, à mon avis, a tué les espoirs des joueurs du Munster de revenir dans cette confrontation et d'aller au moins chercher le point de bonus. J'ai vraiment la sensation que cette fois-ci, le match est plié. Ouais, le sort en est jeté. C'est bon de savoir avec qui. Mais n'oublions pas qu'à l'aller, les Irlandais avaient châtié le Toulonnais, quand même. Très fort. Très fort, il avait châtié comme ça. Châtie-moi. Ding-frong. Je ne sais pas si tu me pues, c'est un message. J'aimerais bien savoir. Oh, ben, il y a 32 à 9, ils sont encore inquiets. Et ils n'ont aucune confiance dans leur formation, ces supporters. Allez, le Munster, un dernier effort courageux, pourquoi pas, pour réduire le score. Non, on n'y croit pas, Je pense plutôt que ce sont les Toulonnais qui vont s'évertuer et en marquer un supplémentaire, tu vois. Parce que peut-être qu'ils pourraient, eux, à leur tour aussi, prendre le point du bonus avec le nombre d'essais marqués, vois-tu. Et là, ça deviendrait complètement fou. Ce rugby est compliqué avec ses comptes. C'est la vidange, Jean-Loup, à toi. Yes. Alors, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Oui. Et là, vous allez laisser tourner la musique tranquille. Hein. Je sens que vous en avez plus dans les chaussettes, les amis. Ce match est de reprise et excellent, c'est vrai. C'est pour ça que ce soir, je me demande si quand même c'est sérieux de faire ce match entre Marseille et Bordeaux. Jackie, vous savez comment on pince pour le suspense. Et c'est vrai que là... Et là, il y en a moins. Oui, le suspense a été tué très rapidement par les Toulonnais, qui sont maintenant un petit peu sous pression quand même dans leurs 22 mètres. Le Munster attaque, le Munster veut pas crever comme ça sans avoir réagi. Ah non, et il est jeté en touche, Munster. Ce ne sont pas des bras classés. Classés, si, Jacques. Des hommes meurent pour avoir l'honneur de les porter. Quoi donc Les sous-vêtements féminins. Tic 2. Ouais, on a plein de petits bruits qui arrivent. Hein. Il faut maintenant qu'on nous aide à finir ce match, car nous avons effectivement énormément de mal à nous en sortir. Toute cette trace, là, ce Sportaz, oui, ça laissera une trace, certainement. Dans le jeu. Ouais. Dans le jeu de mots, surtout. Ouais. Je ne sais plus ce que je dis. C'est une touche pour Toulon. Toulon. Oui, l'émission que nous avions improvisée la première fois. Mais où t'es là? Mais aujourd'hui aussi. Je t'ai entendu très loin pendant c'est un moment. Comme la première fois. C'est pour ça que j'ai Sportaz. Ah, c'est toujours comme la première fois. Non. On va pas vous mentir parce que la première fois, c'était pas ça. Le ballon est caché par les joueurs, mais finalement sorti par... Il n'y a pas d'en avant, si, il continue, en arrière. Et Toulon qui attaque, s'ils peuvent le faire, c'est magnifique, jusqu'au bout. Oui, vas-y. Il est rapide, lui. Ah, il est rapide, normalement, normalement il est fait pour ça. Oh, le catwalk, magnifique. Il peut y aller. Capitaine Crochon. Il va y avoir un goal. Ils sont à 5 mètres, même pas 3 mètres. Même pas, 3 mètres 12. Exactement, 3 mètres 12, ils ont le ballon. Il faut qu'ils le lâchent, sinon ils vont être pénalisés. C'est fait. Les Irlandais sont replacés à 2,5%. Sorti le ballon, il essaie d'y aller, Pago. Si ? Oh, yes. Je crois que nous allons avoir le vidéo pas parce que personne n'a compris ce qui s'est passé ici. Oh, les bijoux. De famille. Jean-Louis, arbitrage. Arbitrage vidéo. Il va prendre le ballon sur le côté. Il a la balle. Y a-t-il essai, oui ou non? Là, oui, oui, c'est pas mal, c'est pas mal cette affaire, oui, non parce qu'il a... Ah non, il a le pied qui touche avant. Ouais. Bien, et joli, joli défense. Il a le pied qui a touché avant. Il n'y aura pas. Ouais, ça ne fera jamais qu'un essai refusé. À égalité, on pourrait dire, entre ces deux équipes. Ça discute beaucoup entre les arbitres. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelque chose entre eux, si... Sous cet angle-là, ça risque d'être délicat, Jean-Louis. Jean-Louis, on a le son. Non, il n'y a pas essai. On a le son, Jean-Louis. Ouais, c'est lui. Et alors qu'est-ce que vous en foutez du son? Regardez le pied droit, la jambe droite là-bas. Elle est sortie. Avant qu'il ait aplati, elle a touché la ligne. Il n'y a pas essai. On l'avait déjà dit, Jackie. C'est bien parce que vous avez soufflé vos bougies qu'on vous dira rien. Et dites donc, nous on est des amateurs, de simples amateurs. On sait déjà qu'il n'y a pas essai. Vous êtes quatre en tribune et vous n'êtes pas foutu de. Au vu du score en plus. Alors, messieurs. Ça va. Ouais, oui. Problème de réception. Et no try! Un essai de plus qu'on mettra dans les WC. On n'a jamais pris le temps. Oui, n'oubliez pas de tirer la chasse. Voilà, et finalement, c'était une touche au bénéfice des Irlandais, alors que les Toulonnais étaient repartis et certain que l'essai allait être validé. C'est vrai que les mi-temps sont courtes au rugby. Hein. Non, c'est pas ça, mais elles passent plus vite. Ah. Ouais. Oui, tu comprends. C'est tout à fait différent, Jacques. C'est pratiquement la même durée finalement. Ah. Parce que... Oui, mais c'est pas pareil quand même. Non, ça passe plus vite. C'est ça. Un peu comme Sportaz, hein. C'est la même durée qu'un match normal, mais c'est pas tout à fait. Ça passe plus vite. Je n'ai rien d'autre à dire, ça passe plus vite. Sportaz dit Ferrand. Ouais, oh, ce petit dégagement qui a failli être contré, excusez-moi, j'étais en train de regarder ce qui se passait sur la pelouse. C'est beau cette pelouse, elle jaillit. Et attention, elle jaillit dans nos yeux, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pieds. Rentrer dans les 10 dernières minutes de cette. Dans la bouche, non, jamais. Hein. Oui, ça y est, nous y sommes, dans les 10 dernières minutes, essuyez-vous les pieds, s'il vous plaît. A-t-il d'attentat contre un tribunal? Pardon? Ah, ça rigole entre les arbitres, le tribunal, tout ça. Regarde ce qui s'est passé. Qui c'est qui a pris le ballon par la gueule? Personne. Wouh! Vous êtes en direct du dance floor, le flash pigeon. Eh bien, je vous invite à venir manger le gâteau. Bien évidemment, à venir manger le gâteau avec moi. Il s'agit d'un éclair au chocolat que nous partagerons à 7 ou 8. N'hésitez pas, bon anniversaire. Un petit four, allez, pour tous. Un petit camarade aussi, allez, allez on partage tout, d'autre. Allez. Un petit immeuble. Un petit pet. Au stup. Oh madame, n'en rajoutez pas s'il vous plaît. Le score est toujours de 32-9 et on a fait entrer Gilbert. Oui, Gilbert, 1m92, Kevin de pelouse qui d'ailleurs on récupère après chaque match et fait une collection. Collection de pelouses, hein, Gilbert, donc c'est ça. Carré de pelouse. C'est pas un triangle. C'est étonnant. Le ballon est varou, il est ressorti immédiatement avec John Peter qui a perdu la gonfle. Ce sont les Irlandais qui vont récupérer l'intervention de Monsieur Joris. Toujours en direct sur Radio Sportaz dans ce beau dimanche après-midi. Alors Monsieur Joris qui siffle une pénalité, Jacques, pour les Toulonnais. Vont-ils chercher les points supplémentaires, ce qui ne rajouterait rien, ou ont-il tenté l'essai qui, lui, par contre, pouvait servir. Tu peux nous afficher la probabilité, mon ami Jean-Louis, que tu vois. Mon ami Jean-Louis. Si vous saviez comme il l'insulte quand les réunions de travail débutent. Et là, il l'appelle mon ami, je n'en reviens pas. Oui, en ce dimanche 16 janvier, 11, nous fête 11, bien sûr, l'anniversaire à Jacques. À Jacques, on se dimanche. Le ballon est remonté par l'Irlande. Oui, il s'est pas la donné magnifiquement fait. Il avait senti arriver l'adversaire. Quand il y a des choses bellement faites comme ça, Jacques, c'est super. Happy épinard birdé. Vin épinard. Ce sera le menu du soir. Récupérade de Toulon. Non, les Irlandais. Ah, les Irlandais ont progressé de 60 mètres. Là, tu vois. Encore une belle moisson pour les équipes françaises en Coupe d'Europe. Ouais. Hein, par contre, nous, on est en panne de moisson. Moisson fraîche. Chipolata, oui, je vais prendre une petite chipolata, pénalité pour les Irlandais. L'arbitre en donne à gogo maintenant, à tire l'arigot, dirais-je. Il en a, lui, encore. Il en a plein le calvut. 15, 72, 68, ça ne vous rappelle rien? Ah, si, absolument. Le numéro du dealer. Mais il est parti. Oh non, voilà, écoutez, nous finissons très mal cette confrontation. Redevenons sérieux, s'il vous plaît. Deux minutes. Changeons de plateau. Qui est en fait la chronique de sa semaine. Merci monsieur de nous avoir remis un petit peu dans le droit chemin. Et nous allons en profiter pour aller chercher, à mon avis, le dernier jingle de cette confrontation. Quatrième du nom dans ce Sportaz numéro 705. Sur Robin et son organisation. Je ne voulais pas décevoir mon père et mon frère. Je n'ai pas encore le jingle, attendez, ça va venir. putain, il faut être plus agressif que ça, il faut être plus méchant. Il faut être plus agressif sur l'homme, plus méchant. Putain, hey. Mais il faut encore, il faut. Hey, les gars, réveille. Hey, de l'agressivité, c'est gagnant, si vous le voulez. S'il y a de l'application. Maintenant, il va falloir décoller. Allez, Sporteuse, ce sont les sportifs qui en parlent le mieux. Instants. Effectivement, il va falloir y aller. Hein. On s'est fait souffler dans les bronches ouais, par l'entraîneur. Du genou. On va vous finir ce match à fond, vous allez voir. Hein ouais, tiens, comme les Varois. Voilà, tout 32-9 mun. 32-9. Mmh. Bon, 32-9, ça n'a pas bougé depuis un petit moment quand même, ouais. Hein, Jacques. On n'a pas tout regardé, c'est vrai, mais j'ai pas l'impression que le tableau d'affichage est beaucoup mué. Munster National 9, hein, ça c'est sûr. Toulon croit ce qu'on veut, 32. Voilà. Merci Jacques pour cette petite phrase sympathique. Et moi je vais vous jouer le score donc à la guitare. C'est là. Ça l'est. Crier à l'arbitre. Ouais. Il ordonnera une. Oui, mêlée, me semble-t-il. Il y a du code. Mais combien on a le droit de faire de changement au rugby, Jacques? C'est la question que je me pose. Je pense que là, on nous embrouille. Hein. On change d'équipe. Hein. Apparemment, c'est le Biarritz, maintenant Olympique, qui prend le relais. Parce que tout le match est plaqué. Là. Et donc, Toulon va, aller, va gagner donc, ce match. Maintenant, on peut le dire. Ils vont prendre les 4 points. Ça veut dire qu'au niveau de leur poule en Coupe d'Europe, ils se placent magnifiquement bien pour la suite de la compétition. Oui. Ouais, super bien placé pour la suite de la compétition. Oui, mais alors, ce qui se passe en Tunisie, est-ce que vous considérez qu'il y a autant de Tunisie que là-bas? Merci Jacques d'avoir essayé quand même de relever le propos. Mais si tu pouvais nous éviter la petite phrase qui sort du contexte, nous pourrions rentrer effectivement dans le départ. Touche. On prépare les interviews d'après-match, les mecs ou quoi là. Oh. C'est une bonne touche hein, pour les Irlandais qui sont humiliés aujourd'hui. Je pense qu'ils vont rentrer à pied en Irlande. Tellement cette victoire leur a fait du mal. J'espère qu'ils ne vont pas crever. Tout simplement, le repérage dans le livre parle. Oui, sachez vous aussi repérer dans le livre l'information primordiale. Ce ballon-là qui est presque rond. C'est vrai qu'il avait l'ovale oblong. Hein ouais, il a l'ovale oblong, le con. On a dit la planète plate que nous connûmes il y a fort longtemps, à l'époque de Platon. Ah bon ? On sait que la planète était plate. Merci Jacques. Et alors c'est Galilée qui aurait... c'est ça, non ? Merci. Ouais, hein. Et c'est là. Le pays de Galilée. Le ballon est remonté. Alors, cette fois-ci, le Munster va aller peut-être marquer un petit essai, mais petit, le faire, c'est assis, c'est-à-dire avec les gros devant. Quoi. Que les gros, hein, qui pourraient passer ce gros mur toulonnais, cette grosse rade. Que... Ouais, la rade, ça sent la digue dressée du côté de Toulon. Ouais, on est prêt à affronter les plus grands amis et tsunami. Ouais. Oh, dedans. Là, il part en honte, non ? Munster et les petits tsunamis. Hey, goal para Munster. Magnifique goal de celui-ci. Ah oui, ils le méritent quand même, hein, parce qu'ils ont donné de leur personne, ils les ont joués également. Mais là, celui-ci a contourné toute la défense toulonnaise pour aller aplatir en coin. Regarde-le, parce que c'est pas fait pour lui quand même. Ils sont 2-3 devant lui et là, il écarte bien. Oh là là, non, jamais il ne doit passer. Et finalement, il va au bout. Si, on va se laisser aller. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un bien joué. Petit bonus défensif, offensif? Comment ça se passe là-dedans? Ah, celui-ci, il est fantastique, celui-ci. Oui. Oh, regardez-moi ça, comme il a contourné tout le monde pour aller chercher l'angle. Et barre dans le rétroviseur et marquer, bien évidemment, le quart. C'est beau, c'est vrai. 5 points pour, 5 points pour le Munster, ça nous fait que 14. Hein, ne nous affolons pas. Non, c'est clair. 14 et 2, parce que c'est beau. 14 et 2, ça nous fait 16. Oh. Ça fait 32-16. Le double, on est tranquille jusqu'à la fin de la partie. C'est ça. 16, c'est 2 étés, c'est transformé, Jacques, plus une pénalité, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait mal, la Munster. Le Munster. Ah non, c'est pas la même chose. Le Mont Faron. Non, mais il y a beaucoup de gens qui meurent d'un Munster, au foie. Oui, pas que d'ailleurs, hein, Jacques. Pas que. Allez, RC. Quand j'ai dit pas que, c'est que je vous retrouve à Pâques, tout simplement, parce que je vais m'en aller. C'est super, les vacances de Pâques, là, c'est Noël, c'est le jour de l'an, tout réuni, c'est super, c'est carême. C'est carrément. Rugby en concert, toujours, rugby live, direct. Ils ont des ailiers du côté du Munster là, c'est dommage qu'ils aient pas pu leur filer plus de ballons parce qu'ils sont sacrément fous. Les nouveaux entrants, et depuis qu'ils jouent à 15, ils jouent mieux quand même les Irlandais. Ah oui, regarde ça. Oh. Ils percent, ils vont finir par aller en marquer un deuxième. Je veux dire qu'à un moment donné, on est dans la mouise s'ils y vont. N'oubliez pas ce soir de continuer à nous soutenir vers 21h. Nous espérons être à nouveau présents. Nous tentons le coup, hein. On ne va rien vous cacher, nous essayons de pouvoir être là, mais rien n'est fait. Nous allons réécouter ce match, saturant ou pas. Et nous déciderons à ce moment-là si nous devons poursuivre, bien évidemment, ou attendre des moyens techniques supplémentaires. J'appelle toutes les voitures à se rendre ce soir à... Je ne dirais pas le nom. Non, mais c'était juste, à côté de Toulouse. C'est pas fini, Jacques, il reste bien moins de 10 minutes. Mais il reste rien du tout, Jacques, il reste 30 secondes. C'est quoi 10 minutes, moi. Mais non, c'est 80 minutes un match de rugby. Donc tu avais raison tout à l'heure, c'est plus court. Et en plus, ça passe plus vite. Tu m'as trahi. Ce match va se terminer. Peut-être sur un nouvel essai irlandais. Ils auront des regrets s'ils marquent maintenant de ne pas avoir pu jouer avant. Mais c'est vrai que les Toulonnais ne les ont pas laissés faire. Ouais, ils ont mouillé le maillol. On peut le dire comme ça. Ah, l'équipe toulonnaise. Oh, et lui, encore une fois, mais il est impressionnant, ce numéro 7. On le retiendra, hein, oui. Ouais. L'Irlandais 7. Le 7-7. Et ils attaquent dernièrement. Nous sommes maintenant, c'est fini, le match est terminé. Toulon l'a emporté. Toulon l'a emporté. 32-16, deux fois plus de points. Toulon de... Qui l'a cru? À part lui, peut-être. Oui, Saint-André. Ouh là là, on jette les journaux. La presse est morte. Oui, le journal pas. Est jeté. C'est quoi? C'est une manifestation pour qu'on ne pollue moins ou quoi? Et c'est terminé. Officiellement, cette fois-ci, nous avions un petit peu anticipé le coup de sifflet final de Monsieur Joyce, qui nous en aura procuré beaucoup aujourd'hui. Match de gala pour ceux qui étaient derrière Toulon. Et donc, là c'est super, j'ai eu la fève dimanche soir, j'ai eu la fève mardi, j'ai eu la fève samedi, j'ai tout le temps eu la fève, c'est super. Et c'est super, merci à toi et bonne fève. Et voilà, après s'en être mis plein la gueule pendant 80 minutes, les joueurs se serrent la main, discutent et iront boire un coup ensemble et on voit ce qui se passe. Pour Toulon, c'est tout bon. Pour Toulon, c'est tout bon. Ouais, ils finissent numéro 1, merci à eux, merci à tous, merci à vous qui nous avez suivis en ce dimanche après-midi 16 janvier 2011, si printanier fut-il. Ce Sportaz 705 va s'achever. Et nous espérons avoir été pas trop futile, justement. On vous retrouve peut-être tout à l'heure, peut-être. Allez, on va aller en fumer une. Ça arrivait, ces choses singulières. On voit par exemple ce qui me frappe. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Monsieur. Bon anniversaire, Jacques. Bon choix. pleasurable effects upon your mind, is used to carry the suggestions for change directly to your subconscious mind. Your mind will attune itself to the message contained within the music itself. The more often you use this recording, the more effective it will become for you. This recording can be used under any condition or circumstance. Yes, this recording may even be used in a moving automobile. In a moment, consciously, all that you will hear is the music.